en cette nouvelle année qui débute sur fond de crise écologique, de chute de la biodiversité, de saccage continu et répété de ce que nous qualifions comme notre patrimoine naturel, ne faudrait-il pas tout simplement repenser cette notion de patrimoine et notre rapport à la nature? C'est précisément ce que fait notre invité du jour. Depuis ses premiers voyages chez les Jivarosacheurs en Amazonie jusqu'à son appel récent à dynamiter l'anthropocentrisme et l'eurocentrisme des sciences sociales, parce que s'il est une certitude et une seule en cette nouvelle année, c'est que oui, les concepts changent le monde. Philippe Descola est notre premier invité de l'année et il est avec nous pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Philippe Descola. Bonjour à vous. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer cette année 2018. Évidemment, je ne peux pas résister à la tentation de vous demander quels seraient les vœux que vous exprimez pour cette année qui débute. Que les humains se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes une partie de la nature, précisément. C'est-à-dire qu'ils essayent à tout moment, qu'ils s'efforcent de se rendre compte qu'ils sont liés par une multiplicité de relations avec les choses les plus humbles, y compris avec leur flore intestinale, de façon à ne plus penser en retrait et en surplomb, comme ça a été le cas pendant si longtemps, en tout cas en Europe et dans une grande partie du monde maintenant. Alors, on va remonter avec vous le fil de votre parcours professionnel et intellectuel, mais j'aimerais pour commencer vous soumettre ce texte que je trouve très beau, que vous connaissez bien, d'un auteur qui vous est cher, qui m'est cher aussi. Et puis c'est le 1er janvier, alors j'avais envie aussi de prendre un peu de part personnelle à cette émission. Et qu'il est toujours bon de commencer l'année par quelques vers de Pessoa. Je vous les cite, vous les connaissez par cœur, Philippe Descola. Je vis qu'il n'y avait pas de nature, que la nature n'existe pas, qu'il y a des monts, des vallées, des plaines, qu'il y a des arbres, des fleurs, des herbes, qu'il y a des fleuves et des pierres, mais qu'il n'y a pas un tout dont cela fasse partie, qu'un ensemble réel et véritable n'est qu'une maladie de notre pensée. La nature est faite de parties sans un tout. Peut-être est-ce là le fameux mystère dont on parle. Absolument. C'est la phrase la plus importante, peut-être, c'est une maladie de notre pensée. En portugais, c'est de nos idées, en fait. Et cette maladie, elle est à la fois, elle a donné comme certaines maladies, des choses positives. C'est-à-dire que ce que décrit Pessoa, c'est ce que j'appelle le naturalisme. C'est-à-dire cette idée qui s'est progressivement imposée dans les élites cultivées européennes à partir du XVIIe siècle, que le monde, la nature, le monde était la nature d'abord, c'est-à-dire que la nature était un ensemble de phénomènes qui pouvaient être étudiés, mesurés, envisagés dans un langage mathématique, selon la formule, et qu'ils pouvaient aussi être exploités, transformés mis à profit, en somme, pour le progrès de l'humanité. Ce mouvement, je le disais tout à l'heure, qui a impliqué un retrait du monde de la part des humains, et l'idée bizarre qu'ils ne sont plus partie de ce monde, qu'ils ne sont plus, si ce n'est par une petite partie qui s'appelle la nature humaine, a eu des conséquences probablement extraordinairement intéressantes, c'est-à-dire qu'elle a permis le développement des sciences positives en particulier, c'est-à-dire ce grand mouvement d'investigation des régularités, des phénomènes dans lesquels les humains n'interviennent pas, en apparence en tout cas. Mais elle a aussi des conséquences dramatiques, c'est-à-dire de considérer que l'ensemble des existants, l'ensemble des êtres présents dans le monde pouvaient être utilisés au profit des seuls humains, et les conséquences catastrophiques de ce mouvement se font sentir maintenant de façon tout à fait nette, avec en premier lieu le réchauffement climatique, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, cette massive extinction des espèces, c'est-à-dire une érosion considérable de la biodiversité, la pollution des airs, des eaux et des sols, et bien d'autres phénomènes de ce type-là, qui font que nous vivons à crédit sur une planète qui ne peut plus tous nous porter. Ça veut dire qu'il faut briser ce paradigme de patrimoine naturel, selon vous? Il faut le mettre à bas, il faut le casser pour le penser autrement? Je pense qu'il faut d'abord, peut-être, c'est quelque chose de tout simple, essayer de ne plus penser en termes de nature. On reviendra tout à l'heure sur mes premiers pas dans ce domaine. Mais une des choses qui m'a le plus frappé quand je suis revenu du terrain, c'est qu'on me disait toujours « Ah, vous avez vécu avec des gens qui sont proches de la nature ». Et je répondais toujours « Non, c'est absurde, ils ne sont pas proches de la nature n'existe pas pour eux, au sens de Pessoa, c'est pas un tout. Ils ont des liens de toutes sortes avec des plantes, des animaux, des esprits, toutes sortes de non-humains. Ils ne s'accommodent pas, en quelque sorte, à la nature. L'idée de s'accommoder à la nature, c'est une idée qui est précisément issue de ce que j'appelle le naturalisme. Et je précise que ces quelques vers de Pessoa figurent dans votre livre. Ils ouvrent même la première partie de votre ouvrage majeur qui s'appelle « Par-delà, nature et culture ». La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cette première émission de l'année Philippe Descola. Philippe Descola, vous êtes donc anthropologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature, directeur de laboratoire d'anthropologie sociale, qui est une unité mixte Collège de France EHESS et CNRS. Alors, avant l'ethnologie, Philippe Descola, il y a la philosophie que vous étudiez à l'École normale supérieure. Est-ce que vous avez souvenance du moment où se produit la bascule entre philosophie et ethnologie ? C'est une question difficile. C'est une série de petits écarts ou de petits inconforts vis-à-vis de la philosophie telle qu'elle était enseignée à l'époque, dans certains cas par de très grands noms et des gens qui m'avaient absolument fasciné et transporté, comme Gilles Deleuze ou Michel Foucault. Mais j'avais un sentiment d'inconfort croissant, qui je crois n'était pas seulement le mien, puisque nombreux sont les apprentis philosophes qui, au fil des générations et depuis Durkheim en fait, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, ont décidé de faire un pas de côté pour faire des sciences sociales. Mais ce sentiment d'inconfort, il était manifeste dans le sentiment que les questions que se posaient d'autres civilisations n'étaient pas prises en compte par la philosophie, qu'elle tendait à les ramener à des questions que la philosophie grecque avait d'abord formulées et qu'ensuite on avait reformulées au fil des siècles, mais sans en changer beaucoup les attendus. La fameuse formule que la philosophie, ça n'est jamais qu'une série de notes en bas de page de Platon, n'était pas complètement fausse. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé plus intéressant, après avoir lu de l'ethnologie précisément, d'aller voir ce que d'autres civilisations conceptualisé en pratique, au fond. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait des philosophies locales qui seraient autant de manifestations d'une sorte de tendance de l'humanité à philosopher me paraît fausse. Mais il y a localement des formes de pensée et des manières de poser des questions qui concernent tous les humains, qui s'expriment sous des formes, alors quelquefois à peine reconnaissables lorsqu'on a une formation philosophique, mais qui sont néanmoins extrêmement intéressantes à étudier et à transmettre. Et c'est ça, au fond, le sentiment qui m'a poussé à sauter le pas, après avoir lu très jeune Triste Tropique, qui ce qui m'avait attiré dans ce livre, c'était pas tellement d'ailleurs l'ethnologie au départ que la personnalité de Lévi-Strauss, un personnage extraordinaire, à la fois immensément cultivé et qui pouvait écrire aussi bien sur Debussy que sur Descartes alors qu'il était chez les Brorot ou chez les Nambiquara du Brésil. Donc l'idée qu'on puisse faire un métier dont une personnalité comme celle-là était l'incarnation exemplaire s'est peu à peu imposée à moi, à quoi s'ajoutait, il faut bien le dire, parce que je crois que la plupart des anthropologues hésitent parfois à le dire, mais non pas le goût de l'aventure, mais le sentiment, au fond, de faire une expérience de vie qui soit très différente de celle qu'on pouvait faire à l'époque en Europe. Vous disiez, à propos justement de cette volonté d'aller observer des expériences de vie qui seraient autant de concepts incarnés, vous déclariez ça dans une interview, que finalement, penser la philosophie, c'était passer de la philosophie à l'ethnologie, à l'ethnographie, c'est une volonté de changer de référentiel de pensée complètement. Oui, avec cette clause que L'ethnographie, c'est d'abord un apprentissage de l'humilité. Alors peut-être qu'il faut refaire un peu de paradigme, de définition, redire la différence entre ethnographie, ethnologie et anthropologie, puisque c'est un élargissement du cercle de pensée d'une certaine façon sur différents stades. La définition traditionnelle, c'est que l'ethnographie, c'est l'étude par observation participante, pour reprendre la formule classique de Malinowski, c'est-à-dire par immersion de longue durée dans une communauté que l'on décrit, dont on partage la vie, dont on apprend la langue lorsque c'est nécessaire, et dont on va essayer de comprendre les mobiles et les ressorts par induction, par empathie, par observation. C'est donc une démarche, encore une fois, inductive et descriptive. L'ethnologie suppose déjà une amorce de comparaison, donc ça n'est plus véritablement un travail de description de première main, mais on s'intéresse à des sociétés voisines, par exemple, pour essayer de voir si elles ont un style commun, ou bien à des institutions qui sont présentes dans une région du monde et dont on pense qu'elle est spécifique à cette région. Et l'anthropologie, c'est ça englobe tout cela, mais c'est simplement qu'on se pose des problèmes de façon différente, en ce sens qu'on s'intéresse aux propriétés formelles de la vie sociale et culturelle. Et de ce point de vue-là, c'est une démarche qui est hypothético-déductive, c'est-à-dire on pose des hypothèses sur ce qu'il en est de la vie sociale, et à travers l'examen des données ethnographiques, ethnologiques et historiques aussi d'ailleurs, ou épistémologiques, ou d'histoire des sciences, enfin le registre est très large, on essaye de voir si ces hypothèses sont validées. Mais en réalité, alors il y a en principe une discontinuité entre l'ethnographie, l'ethnologie d'un côté et l'anthropologie de l'autre, mais en réalité les problèmes que l'on se pose comme anthropologue sont en partie formatés par les questions que l'on s'est posées comme ethnologue, et c'était mon cas. C'est-à-dire que j'étais parti étudier en Haute-Amazonie une tribu de Langjivaro, et je m'intéressais à tâcher de comprendre les rapports matériels et idéels que cette société entretenait avec son environnement. Et les résultats, au fond, de cette longue immersion ont ébranlé mes convictions, en particulier concernant la distinction entre la nature et la société, puisque cette société, en fait, considérait la plupart des éléments que moi j'appelais des objets naturels comme des partenaires sociaux. Et donc cet ébranlement initial a conduit ma réflexion par la suite et n'a cessé de l'alimenter. Alors justement, repartons sur vos traces, sur ce séjour en immersion que vous avez fait chez les Achuar en Amazonie, hein, pendant 3 ans, de septembre 1976 à septembre 1979. Déjà, qu'est-ce qui vous conduit vers cette société-là en particulier? Pourquoi l'Amérique du Sud? Et puis avec toujours cette question un peu de se dire, est-ce que le travail ethnographique se porte systématiquement, peut-être par goût de l'aventure, vers des tribus reculées? Pourquoi pas finalement vers des sociétés qui peuvent être des sociétés plus proches, dans des villages isolés de la montagne française, par exemple, je ne sais pas. L'Amazonie posait toutes sortes de défis intellectuels intéressants. Si on regarde la littérature historique sur les Indiens de basse terre d'Amérique du Sud, parce que du fait des voyages, des chroniques, des processus d'expansion coloniale de l'Europe, on a des informations sur cette région du monde depuis bien avant la naissance de l'anthropologie comme une science. On a notamment des textes de missionnaires qui sont d'une certaine façon des proto-anthropologues. C'était une grande partie des concepts que nous utilisons pour tâcher de comprendre des sociétés extrêmement différentes des nôtres, ont été forgées par des missionnaires qui avaient pour ambition de comprendre ces cultures pour les évangéliser. Et d'autre part, on a des voyageurs, en particulier les voyageurs français sur la côte du Brésil, dont Lévi-Strauss a beaucoup parlé, Jean Delery et André Thevet. Et tous ces documents, au fil du temps, bien avant donc la naissance de l'anthropologie comme science à la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, soulignait quelque chose qui était intriguant, c'est-à-dire que d'une part ces sociétés étaient des sociétés sans organisation sociale en fait. Et c'est pour ça qu'on les considérait comme des appendices de la nature. On a multitude de textes qui sont, on peut les appeler racistes si on veut, mais ce que ça reflète, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité véritablement entre les insectes, les plantes et les animaux que les naturalistes étudient et les populations qui vivent de ces insectes, de ces plantes et de ces animaux. Et c'était assez intéressant parce que même si on trouve ça dans d'autres régions du monde, c'était très accentué pour l'Amérique du Sud. Et en même temps que ces gens-là n'avaient pas d'institution véritablement sociale, ils vivaient en habitat dispersé assez souvent, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de ces organes que les ethnologues se sont attachés à décortiquer, comme sont les clans, les lignages, tous ces systèmes d'organisation qui, au fond, constituent des personnes morales fédérant la vie sociale. Et donc j'avais une vague hypothèse de départ, qui était, on insiste tellement sur le fait que ce sont des peuples naturels, disons, eh bien c'est qu'ils ont un rapport très particulier à la nature, et c'est ça que je vais aller étudier. Et donc je me suis donné les moyens d'aller étudier, j'ai fait un travail d'ethnologie classique, mais aussi d'écologie humaine, c'est-à-dire que j'ai étudié la façon dont les Atchouars utilisent les plantes, les animaux, en faisant des inventaires botaniques, des inventaires des animaux qu'ils utilisent, etc. etc. Et je me suis aperçu, d'une part, qu'ils n'étaient pas véritablement déterminés par leur environnement, puisque, au fond, cet environnement, ils l'avaient progressivement façonné au fil des millénaires. Ça, c'était un long travail que les études, au fond, assez techniques qu'on peut mener en écologie humaine, permet de mettre en évidence. Pour faire une petite parenthèse, les Atchouars, comme la plupart des Indiens d'Amazonie, parce que beaucoup de gens pensent que ce sont des chasseurs-cueilleurs, les Indiens d'Amazonie, c'est pas le cas. Les rares chasseurs-cueilleurs qu'il y a sont en général des chasseurs-cueilleurs régressifs, c'est-à-dire qui ont abandonné l'horticulture sur brûlis. Donc la domestication des plantes dans cette région du monde s'est produite il y a à peu près 8000 ans, 8 ou 9000 ans, et l'horticulture sur brûlis, ça consiste à couper un morceau de forêt, à planter des plantes cultivées, comme le manioc, la patate douce, toutes les plantes, beaucoup de ces plantes, des arachides qui sont originaires de cette région, qui se sont répandues ensuite dans le reste du monde, mais aussi à transplanter des plantes de la forêt. Et ce mécanisme de transplantation a fait que la composition de la forêt, puisque ces jardins qui sont un mélange de potagers et de vergers en quelque sorte, se répètent au fil des siècles, au fil des millénaires, et donc la composition floristique de la forêt amazonienne a été profondément bouleversée par cette technique. Donc ils ne pouvaient pas être dépendants en quelque sorte d'un environnement qui aurait exercé des contraintes sur eux. Ça, c'est un premier résultat. Et l'autre résultat, évidemment, c'est qu'à mesure que je commençais à comprendre un peu mieux leur langue, il m'est apparu qu'ils avaient des rapports, alors effectivement, tout à fait singuliers avec ce que j'appelais encore les êtres de la nature à l'époque, les plantes et les animaux et les esprits, c'est-à-dire qu'ils communiquaient avec eux en permanence. Communiquer avec eux par des moyens assez de tous ordres, en particulier un qui est très classique, que l'ethnologie a décrit depuis longtemps dans d'autres régions du monde, qui est le rêve. Le rêve, c'est l'idée que une partie de la personne se détache du corps pendant le sommeil et qu'elle peut voguer librement dans un monde où elle rencontre d'autres âmes, d'autres composantes immatérielles de la personne et pour entretenir avec ces autres personnes des échanges, des dialogues, etc. Alors certains de ces rêves étaient des rêves dont l'interprétation était classique, c'est-à-dire fondée sur des, j'allais presque dire une clé des songes, en tout cas sur des règles de grammaticales, si vous voulez. C'est-à-dire, si vous rêvez que vous avez vu une troupe de guerriers qui s'attaque à votre maison, c'est un peu terrifiant. En réalité, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez rencontrer une horde de pécaris. Mais d'autres étaient un peu différents, en ce sens que c'était des messages qui étaient transmis par des humains, mais qui en réalité étaient des animaux qui se présentaient sous forme humaine aux rêveurs. Petit à petit, j'ai découvert ce monde, en quelque sorte, des animaux et des plantes, qui, disaient les Atchouars, se voient comme des humains, et donc communiquent avec nous comme des humains. Il y avait par ailleurs une autre technique, qui était des incantations magiques, qui étaient employées en permanence, chantées mentalement, et là aussi, c'est pas immédiatement facile à voir, parce que, c'est des chants qui ont, avec des paroles qui m'ont permis ensuite à moi et à ma compagne Anne-Christine Taylor, avec qui j'ai passé le plus clair du temps dans cette enquête ethnographique, qui permettent d'interpréter en quelque sorte les types de rapports que ces chants dessinent avec des plantes, avec les animaux, etc. Et donc, là, une façon, au fond, de percevoir ce que moi j'appelais la nature, qui rendait invalide, caduque, cette notion. Et on va voir que c'est effectivement à partir de cette expérience ethnographique que vous allez postuler l'abandon de ce dualisme nature-culture. Ce travail, en rentrant en France, vous le transformez en travail de thèse, puisque vous allez soutenir une thèse en 1983 sous la direction de Claude Lévi-Strauss, thèse intitulée « La nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des Hachoirs ». Quels enseignements retenez-vous de Lévi-Strauss, quels sont les apports à votre travail et à la façon dont vous avez mûri votre réflexion précisément autour de ce concept de nature? Alors, quelque chose d'assez paradoxal, j'ai écrit il y a quelques années un article sur les conceptions de nature que Lévi-Strauss avait développées. Puisque en apparence, en effet, c'est quelqu'un qui a souligné l'importance analytique de la séparation entre nature et culture, puisque son analyse des mythes en particulier est fondée sur la mise en regard de propriétés contrastives des êtres ou des phénomènes qui apparaissent dans les mythes, assez souvent orientés autour de cet axe nature-culture, masculin-féminin, etc. Je pense que pour lui, c'est un outil analytique, il l'a dit à plusieurs reprises, beaucoup plus qu'une propriété objective des choses. Mais moi, j'ai fait un pas, si vous voulez, un peu supplémentaire, tout en reconnaissant et en me reconnaissant, au fond, dans la méthode que Claude Lévi-Strauss avait mise en œuvre, qui est l'analyse structurale, qu'on peut définir, au fond, de façon très simple, en disant que c'est l'étude des différences en tant qu'elles sont systématiques. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'était intéressé dans les sciences sociales, et en particulier en anthropologie, a essayé de trouver des ressemblances entre des phénomènes qui étaient imparfaitement définis, et c'est comme ça qu'on a eu le totémisme, c'est comme ça qu'on a eu énormément de concepts de ce type-là, qui regroupaient sous un concept général, en fait, des pratiques extrêmement différentes, parce qu'on était obsédé par l'idée de trouver des universaux. Or, ce que l'analyse structurale, ce que Lévi-Strauss a bien mis en évidence, c'est que ce qui compte, c'est les différences, parce qu'aucun phénomène n'est en soi signifiant, si ce n'est lorsqu'il est mis en regard de façon contrastive d'un autre phénomène. Justement, écoutez Claude Lévi-Strauss à propos justement du structuralisme et même d'un regard critique sur la position des sciences sociales, c'était en 1968. Il me semble que la grande difficulté devant laquelle se trouvent les sciences humaines, c'est que on leur demande, et quelquefois on les harcèle, on voudrait les obliger à expliquer les phénomènes auxquels les hommes eux-mêmes s'intéressent parce qu'ils les concernent directement dans leur vie quotidienne, dans leur pensée philosophique, politique, dans leur morale, dans leur religion. Et l'ennui avec ces phénomènes, c'est qu'ils sont tellement compliqués. Et d'autre part que nous sommes si près d'eux, puisque ce sont les phénomènes que nous vivons et auxquels nous sommes incorporés dans notre existence quotidienne, qu'il est possible sans doute de les observer, il est possible d'essayer de les décrire, il est même possible d'essayer de les comprendre, mais il est très difficile et je dirais presque impossible d'essayer de les expliquer. Et le structuralisme, ça n'est rien d'autre qu'une tentative, disons, de modestie, d'humilité, pour essayer de rechercher très loin de la conscience des hommes, très loin de ce qui les passionne, très loin de ce qui les concerne, des phénomènes peut-être très menus, en apparence tout à fait insignifiants, mais où il est possible d'obtenir ces grandes simplifications qui ont rendu possible l'apparition des sciences exactes et naturelles dans d'autres domaines. Philippe Descola, votre réaction à ces propos de Lévi-Strauss. C'est une chose extraordinaire, comme vous avez pu le constater à l'instant, c'est que Claude Lévi-Strauss parlait comme il écrivait, c'est-à-dire avec un raffinement dans l'expression et une complexité dans l'utilisation des phrases, des conjonctions, des clauses, etc., absolument remarquable. Et il a écrit un texte qui est assez proche de cette formulation dans lequel il dit en effet il ne faut pas demander aux sciences sociales et humaines qu'elles expliquent le monde, il faut simplement admettre qu'il est possible pour elles de proposer quelques grands modèles qui permettent d'établir des corrélations. Et en ce sens, il était resté un petit peu durkheimien en dépit de son opposition à Durkheim. Il faut dire aussi que on a publié récemment un livre de Claude Lévi-Strauss qui est une conférence qu'il a donnée dans un cercle d'études de la CGT. En 1938, si mes souvenirs sont bons, il était de retour du Brésil très brièvement. On sait que Claude Lévi-Strauss a été marxiste dans sa jeunesse, a même été un intellectuel marxiste dont la SFIO attendait beaucoup, comme du point de vue du renouvellement conceptuel de la pensée politique à l'époque. Et cette conférence développe l'idée que l'ethnologie est une science révolutionnaire. Et il parle de révolutionnaire non pas au sens de la révolution copernicienne, mais véritablement au sens de la révolution léniniste. Et pourquoi est-ce qu'il dit, est-ce qu'il il avance cela? C'est parce que, dit-il, ce n'est pas tant la capacité explicative au sens où chez Marx, la théorie de la plus-value permet d'expliquer l'exploitation du prolétariat ou des choses comme ça, c'est que l'ethnologie permet, en se déplaçant très loin dans des sociétés extrêmement différentes des nôtres, de faire valoir le caractère contingent de nos propres institutions. Et en ce sens-là, nos institutions sont soumises à réforme, voire à révolution, parce qu'elles n'ont rien d'éternel. Et je pense que c'est une leçon très importante qu'il a gardée jusqu'à la fin de sa vie. Et on va en rediscuter tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, parce que vous n'êtes pas si loin, Philippe Descola, de ce point de vue-là. Alors, vous ne parlez pas d'anthropologie révolutionnaire, mais d'anthropologie réformatrice. Mais ça me fait penser à autre chose, d'ailleurs, à ce petit mot que vous disiez précisément à propos de vos enquêtes ethnographiques et de vos déplacements. Vous en disiez « Le plus difficile, ce n'est pas de partir, c'est de revenir et d'être tout d'un coup confronté au caractère absurde, ubuesque ou scandaleux des institutions et des valeurs au sein desquelles vous évoluiez auparavant. » On n'est pas très loin de ce que vous venez de décrire à propos de Lévi-Strauss, c'est-à-dire que revenir, c'est d'un seul coup être propulsé dans une position insoutenable et donc avec des envies révolutionnaires. C'est l'expérience de la vie. Oui, des envies révolutionnaires, je les avais avant de partir sur le terrain. Je les ai peut-être satisfaites par une révolution de vie, en ce sens que partager la vie d'une population qui avait connu les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant, c'est une expérience de vie, en ce sens que aussi j'ai appris à vivre pendant quelques années avec très peu de choses. Et je me suis rendu compte que c'était très facile et plutôt plaisant, au fond. C'était un dépouillement progressif de l'intérêt qu'on peut porter aux objets. Et à mon retour, précisément les analyses de Marx sur le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire le fait que les humains, les hommes dans le monde capitaliste ont des relations entre eux essentiellement par l'intermédiaire des choses et par les propriétés marchandes des choses qu'ils échangent, m'est apparu de façon terrifiante. J'avais pas connu de marché pendant 3 ans. Le marché n'existait pas chez les acheteurs. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de monnaie, il y avait des échanges de nourriture entre maisonnées. Il y avait du troc, mais qui en général portait sur des objets que chacun possédait déjà. Donc le troc n'avait pas de nécessité économique. C'était un moyen de renforcer des liens sociaux en faisant circuler des objets que tout le monde pouvait de toute façon se procurer. Et tout d'un coup, je reviens ici et le marché sur lequel j'avais lu des analyses de Marx ou de Schumpeter, tout d'un coup me sautait au visage, en ce sens que l'amoncellement monstrueux des objets promis à notre concupiscence m'était devenu absolument insupportable, et il est encore resté en grande partie. Et donc ce pas de côté, au fond, est en effet très important pour se rendre compte de cette chose qui, je crois, est fondamentale. On a parlé il y a quelques années, Fukuyama, de la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'idée que nous sommes entrés dans une sorte de société de marché, de société capitaliste interminable, qui peut être corrigée à la marge, dans lequel il y aura plus véritablement de grands conflits, mais simplement des aménagements modestes. Et il suffit de se rendre compte que d'autres formes de vie sont possibles, encore à l'heure actuelle, en partie en tout cas, pour pouvoir imaginer d'autres formes de vie en se projetant dans l'avenir et en étant absolument conscient que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une petite parenthèse qui peut d'ailleurs aussi bien empirer que être fondée sur des manières d'être complètement différentes. Chaman de Tilassine sur France Culture, puisque notre premier invité de l'année est Philippe Descola, anthropologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature, également directeur du laboratoire d'anthropologie sociale, unité mixte hein, de Collège de France, EHESS et CNRS. Le cœur, on l'a dit, hein, Philippe Descola, de votre travail d'anthropologue a consisté donc en le dépassement du dualisme nature-culture, en montrant que la notion de nature était une production sociale. On évoquait hein, tout à l'heure à l'instant le fait que l'anthropologie puisse être une révolution, ou en tout cas que le travail d'anthropologue était nécessairement un regard réformateur sur la société. Est-ce que, selon vous, la dégradation de l'environnement, la crise environnementale et climatique qui est la nôtre, notre rapport naturaliste à l'animalité, tout cela est le fruit du rejet du non-humain en dehors du champ du soi ? Oh, je pense que c'est en grande partie le cas. Et au fond, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est moins d'essayer d'en trouver les causes historiques, et je pense qu'elles sont plus ou moins établies. Au fond, c'est un très vieux processus. L'émergence de la nature comme un outil métaphysique, au fond, et épistémologique, que les modernes ont employé et qui a façonné leur manière d'appréhender le monde, et c'est un processus très long qui commence avec les Grecs. Donc on ne va pas recommencer l'histoire de ce processus, mais il me paraît plus important maintenant, en examinant à la fois certains des éléments, des étapes qui ont ponctué ce processus de purification de la nature, et notamment le dernier, qui est de mettre à côté ou en face de la nature, non plus simplement des acteurs individuels, des hommes, des agents, comme c'était le cas encore au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais des collectifs, c'est-à-dire des sociétés et des cultures. C'est vraiment le parachèvement, en somme, du naturalisme, c'est l'idée qu'il y a une nature universelle, et que cette nature universelle, chaque culture en donne une version particulière. C'est au fond là-dedans que nous avons été élevés, c'est même une définition que beaucoup de gens pourraient donner d'anthropologie. Et j'ai souhaité rompre avec cette idée en développant l'idée au fond, c'est cette manière, ce découpage général, cette cosmologie, si vous voulez, était le reflet d'une histoire très particulière qui est celle de l'Europe qui s'objective elle-même comme un collectif engagé dans un processus historique d'émancipation. Et la plupart des concepts que nous utilisons dans les sciences sociales et de fait dans la pratique commune, puisque ces concepts ont percolé dans les débats politiques, dans la presse, etc., y compris des concepts aussi simples que le concept de société. Le concept de société n'a pas d'équivalent ailleurs, pas plus que le concept de nature ou le concept de culture. Donc c'est des formes de découpage des liens qui se tissent entre les êtres du monde, qui sont très singuliers à l'Europe, qui sont donc eurocentriques, et dont il me semble que c'est la mission de l'anthropologie de les remettre en cause, de façon à en proposer d'autres qui soient plus accueillants à la fois au rapport que les humains tissent avec les non-humains, mais aussi les rapports que les humains tissent entre eux, dans des assemblages qui, pour beaucoup d'entre eux encore, à l'heure actuelle, sont très différents de ceux auxquels l'histoire et l'enseignement que nous avons reçu nous a accoutumés. Mais vous ne pensez pas, Philippe Descola, que le XXe siècle, depuis la révolution industrielle, depuis la mainmise, depuis la colonisation, la mainmise de l'Occident sur un grand nombre de sociétés qui pouvaient avoir des conceptions autres et différentes que celles du naturalisme que vous décrivez, vous ne pensez pas qu'il y a eu que le XXe siècle qui est une victoire du naturalisme sur les autres formes de conception, précisément, de que nous appelons la nature? Bien sûr, c'est une victoire à la Pyrrhus d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'achèvement par l'impérialisme, pour employer des concepts classiques du mouvement d'expansion coloniale, a abouti au fait qu'un très grand nombre de collectifs dans le monde se sont transformés de telle façon qu'ils ont adopté les formes extérieures des collectifs que nous avions forgés en Europe à partir du XVIIIe siècle, disons. Mais le résultat de ce mouvement d'expansion, qui est essentiellement un mouvement pour se procurer des ressources à l'extérieur de l'Europe, a abouti à cet effet que nous connaissons bien maintenant, qui est le réchauffement climatique, qui impose précisément de transformer complètement la façon dont nous relions les uns aux autres, en tant qu'humains, et dont nous nous relions aux non-humains. Et donc, selon un phénomène classique dans l'histoire, au fond, ce mouvement d'expansion du naturalisme a remis en cause les fondements mêmes sur lesquels le naturalisme était établi, puisque il devient de plus en plus évident que les formules classiques au moyen desquelles nous assemblons, en quelque sorte, ne sont plus viables, et qu'il faut en inventer d'autres. Et c'est pour ça que ce siècle est absolument crucial, parce que c'est non seulement le siècle qui verra très probablement un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés à la fin du siècle, mais qui, en même temps, nous fournit la possibilité, sinon de le limiter, parce que je suis très pessimiste de ce point de vue-là, mais en tout cas, qui nous fournit la possibilité, du fait de la gravité de la situation, du fait du bouleversement du fonctionnement du système Terre, qui devient de plus en plus évident pour tous, nous fournit l'occasion de réformer profondément, vous disiez tout à l'heure, les concepts font marcher le monde, précisément, de réformer profondément les concepts au moyen desquels nous pensons dans le monde. Mais pour mieux comprendre, Philippe Descola, de notre position naturaliste qui est la nôtre, comment d'autres sociétés arrivent-elles à entretenir et à nourrir un dialogue avec tout ce qui est non humain? Eh bien, nous sommes allés à la rencontre d'une anthropologue qui travaille dans votre laboratoire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé en quête du chaman qui sommeille en vous. Oui, j'ai rencontré Andrea Luz Gutierrez Choquevilca, qui est anthropologue au laboratoire d'anthropologie sociale que vous dirigez, Philippe Descola. Entre autres pistes de recherche, elle étudie le dialogue entre les humains Achuar et les animaux de la forêt amazonienne où ils habitent, à la frontière entre le Pérou et l'Équateur. Elle m'a expliqué comment s'établissait ce dialogue entre humains et non-humains et comment une grammaire animiste se développait aussi bien dans un contexte quotidien de chasse que dans un contexte rituel chamanique. J'étais venue d'abord pour travailler sur des questions de communication rituelle, et en arrivant sur ce terrain, j'ai réalisé que les chamans étaient très difficilement accessibles. Ils étaient en plus accusés généralement de sorcellerie, donc pourchassés dans leur propre village, et que ce savoir ésotérique qui fascine les Occidentaux était très difficile d'accès. Par contre, j'ai suivi donc les hommes à la chasse, parce que je m'intéressais beaucoup à l'ornithologie notamment, et à l'ethno-ornithologie, c'est-à-dire à la connaissance du monde animal, à la connaissance des relations interspécifiques. Enfin, je me suis rendu compte que les chasseurs avaient employé des techniques extrêmement fines pour dialoguer avec les animaux, notamment les singes, les oiseaux, et qu'ils connaissaient avec une grande donc, subtilité toutes les nuances du langage animal, et qu'ils parvenaient à imiter leur voix et à créer un véritable dialogue affectif, ce que j'ai appelé une sorte de piège à penser, dans lequel chacun pouvait être pris à son propre piège, et donc il se nouait une relation extrêmement intime entre l'homme et sa proie, dans ces situations de rencontre de face à face entre l'homme et l'animal en forêt. Comment on décortique ce dialogue justement ? Est-ce qu'il a une grammaire spécifique ? Ce langage animal, on pourrait dire qu'il est composé d'une forme de grammaire, dans la mesure où, du moins en tout cas du point de vue des Runa, donc de ces populations quechua et des Achuars voisins, ils arrivent à distinguer très nettement des séquences ou des segments d'icônes sonores ou d'onomatopées ou d'imitations vocales qui sont signifiantes, c'est-à-dire qui véhiculent un message qui peut être décodé par l'interlocuteur non humain, animal ou esprit d'ailleurs, et généralement c'est ce qui est en jeu dans ce dialogue dans ce face-à-face animiste. C'est une communication qui porte sur des états émotionnels, par exemple on peut attirer dans la chasse sa proie en imitant, en feignant la voix d'un petit, en feignant la présence de nourriture, en simulant un combat par exemple. Donc en simulant un ensemble, une palette en quelque sorte, d'états émotionnels très spécifiques qui permettent de franchir les frontières de sa propre espèce. On peut peut-être écouter du coup les sons de ces leurres vocaux d'animaux que vous avez enregistrés sur votre terrain d'étude. Chez ces sociétés qui sont animistes, la plupart des êtres vivants et même la plupart des non-humains peuvent être dotés d'une manière contextuelle d'une âme ou d'une forme d'intentionnalité, et principalement en tant qu'ils peuvent être des interlocuteurs dans un acte dans un échange, un acte de communication. Et donc cela signifie que c'est en quelque sorte en raffinant ces modalités de communication que l'être humain parvient à s'adapter à son environnement et à communiquer en transgressant en quelque sorte les frontières de son appartenance spécifique, de sa langue, de son code sémiotique. Voilà. Là, on est sur une dimension très pratique, c'est la dimension de la chasse, il faut se nourrir, etc. Est-ce que la communication s'établit sur un autre degré, sur un degré spirituel ? Oui, on communique, c'est tout l'enjeu du chamanisme, c'est pour le chaman, en quelque sorte, s'approprier la langue des esprits, communiquer avec des non-humains, en adoptant en quelque sorte leur code sémiotique également, et ce qui entraîne une forme de métamorphose de la voix, notamment au cours des rituels chamaniques, dans lesquels les chamans, qu'on appelle les yachaks, les hommes qui savent, entonnent certains chants en imitant les voix des esprits ou des voix d'esprits animaux. C'est tout l'enjeu de mes recherches, en fait. Initiales, c'était essayer de comprendre, de décrypter, de transcrire et d'analyser ces relations de communication entre les chamans et les esprits et le patient au cours des séquences rituelles. Donc c'était essayer de comprendre la signification aussi contextuelle de ces chants. Et donc j'ai... On pourrait en écouter ? Oui. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu cette scène qu'on est en train de regarder ? Qui sont les personnes présentes et qu'est-ce qui se passe finalement ? Alors c'est un chant qui est adressé à l'esprit de l'anaconda et qui a la particularité d'être formulé selon une sorte de grammaire très particulière qui est propre au langage rituel chamanique, qui est en grande partie incompréhensible des patients notamment, du rituel chamanique. Et donc elle vise donc à soigner des maladies liées à la fièvre et à un ensorcellement par l'esprit de l'anaconda. Et dans ce rituel thérapeutique, on soigne donc le mal par le mal en invoquant... à travers la voix de l'anaconda et en mettant en quelque sorte le patient en présence de cet esprit à travers la voix métamorphosée du chaman, on cherche donc à le guérir de cette capture, de cet ensorcellement par les esprits aquatiques. Il faut savoir que l'énonciation rituelle chamanique a une particularité, et c'est un trait que l'on retrouve dans la plupart des traditions amérindiennes des basses terres, qu'on ne nomme jamais ou très rarement directement les entités, qu'elles soient des entités auxiliaires ou pathogènes du chaman. En général, on les décrit par des qualités sensibles, selon une sorte de logique du concret ou logique du sensible qui était celle décrite dans la pensée sauvage par Lévi-Strauss, notamment. Et donc, au lieu de nommer frontalement ces esprits invoqués, on va les décrire en fonction de leurs qualités sensibles, leurs qualités motrices, par exemple l'esprit de l'anaconda qui s'amoncelle, leur voix, donc l'iconicité sonore de la voix du chaman va mettre les patients en présence de cet esprit au moment même du rituel. Donc, Sisiawaidi, c'est le sifflement serpentin de l'esprit ophidien, donc de l'anaconda. Et donc, on décrit leur motricité, parfois leur couleur, une sorte d'éventail de couleurs qui renvoie généralement aussi à un monde, à un univers de référence qui est celui des visions chamaniques et aussi celui des rêves, puisque le patient rêve et c'est à partir des rêves du patient que l'on diagnostique également les maladies. Voilà. Votre réaction à Philippe Descola, ce reportage où on entend ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir l'importance du rêve, ne serait-ce que également dans le diagnostic des maladies. Je suis très content parce que, bien que j'échange régulièrement avec André Alous, il y a parfois des moments où, lorsque j'ai décrit ces phénomènes il y a une quarantaine d'années, que j'ai fait ressortir le concept d'animisme du placard où il était enfermé depuis longtemps, entouré de discrédit, on a pu quelquefois considérer que j'allais un peu loin dans mes analyses et mes descriptions. Donc je suis absolument ravi de voir que quelqu'un comme André Alous Gutiérrez Choquevilca décrit à l'heure actuelle chez les Quechua et chez les Atuar voisins des phénomènes qui sont tout à fait semblables à ceux que j'ai pu observer et décrire il y a 40 ans de cela. Et donc effectivement, l'usage du langage, et c'est une des choses que je trouve remarquables dans cette jeune génération d'ethnologues. Ma génération, nous avions appris évidemment les langues autochtones par nécessité, puisqu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Quand nous sommes arrivés, Anne-Christine Taylor et moi, chez les Atuar, personne pratiquement ne parlait espagnol. Mais nous avons utilisé le langage un peu comme un moyen de communication transparent. Et cette génération-là fait de l'anthropologie linguistique, c'est-à-dire qu'elle analyse en finesse les marqueurs linguistiques d'énonciation, les situations d'énonciation, avec des résultats qui sont extrêmement intéressants du point de vue, disons, de la pragmatique de l'énonciation. Et voilà, donc je suis absolument ravi de voir que le mouvement d'enquête et d'analyse se poursuit. Est-ce que vous pensez qu'il peut se poursuivre aujourd'hui de la même façon que vous le poursuiviez, vous, il y a 40 ans? Est-ce que aujourd'hui, notre naturalisme, comme on le disait, l'évoquait tout à l'heure, n'a pas contaminé jusqu'à ces sociétés reculées amazoniennes ou dans d'autres parties du globe? Mais il prend des formes très différentes. J'ai un autre étudiant qui a travaillé sur le chamanisme des voisins des Atuar, qui sont des Chouars, qui sont plus près du front de colonisation. C'est un endroit qui est assez visité par notamment des gens qui font du tourisme chamanique. Et il me racontait une séance chamanique dans laquelle le chaman traitait d'une part un patient Chouar, dans sa langue, en Chouar, avec les méthodes classiques. Il traitait de façon quasiment simultanée, ou en alternance en tout cas, un patient hispanophone, un métis, un colon métis, originaire de la montagne, des Andes, en utilisant une autre technique, qui est celle qui est en usage dans les Andes. Puis il y avait deux Français qui étaient là et qui voulaient découvrir les secrets profonds du chamanisme Jivaro, et il leur tenait un discours de type « oui, nous sommes les gardiens de la nature, nous sommes proches de la nature, etc. etc. » qui était parfaitement rodé, et il faisait ça en même temps. Quasiment. Pourquoi ? Parce que, comme l'a fort bien dit André Luz Chockevilka, le registre chamanique, c'est un registre d'énonciation multiple. C'est-à-dire que le chaman, il est capable, non pas d'être possédé, parce que c'est pas de la possession, mais de faire passer par son corps des discours d'êtres extrêmement différents qui va, en quelque sorte, il transforme son corps en une assemblée. Et donc, de ce point de vue-là, il est capable de dire « je fais ceci, je suce les agents pathogènes qu'il y a dans ton corps, etc. » et en même temps parler comme l'esprit auxiliaire qui est en train de faire cela. Donc il fait déjà une double énonciation, puis une triple énonciation lorsqu'il fait intervenir un autre agent auxiliaire. Et donc cette capacité cosmopolite, si on peut dire, eh bien, elle est mise à profit maintenant, dans un contexte complètement différent, pour utiliser des registres de discours tout à fait différents. Un mot, puisqu'on arrive dans la dernière partie de cette émission, on va reparler un peu de cet effort de reconceptualisation hein, que vous appelez de vos voeux, Philippe Descola. Mais d'abord, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui a été invité de la méthode scientifique, qui est même un de nos parrains et qui est sensible à vos travaux. Et vous allez voir qu'on est relativement loin de l'anthropologie. C'est quand même assez fou, finalement, cette manière que nous avons de nous accrocher de façon désespérée et quand même un peu pathétique et grotesque au propre de l'homme qu'on souhaite sauver à tout prix. Et la philosophie, d'ailleurs, que j'aime pourtant si fort, a été particulièrement fautive et, je trouve, rétrograde de ce point de vue-là. Nous le savons maintenant, les mondes animaux sont aussi diaprés, plurivoques, polychromes et délicieux que les mondes humains. Il suffit de les regarder et c'est un peu triste, finalement, de devoir recourir parfois autant à la science-fiction qu'à la science réelle ou à la science dure, parce que le multivers, il est là aussi. Le multivers, c'est peut-être parfois de s'agenouiller dans une prairie et de savoir regarder les insectes autrement que comme des carapaces répugnantes et de voir que les mondes multiples sont autour de nous. Encore faut-il savoir les regarder et s'en émerveiller. Moi, je me sens extrêmement proche de Philippe Descola, qui a donc la chaire d'anthropologie du Collège de France, et en étudiant les Indiens Achuar, c'est ça qu'il a compris. Ce qu'il a compris, me semble-t-il, enfin c'est ma lecture en tout cas de son œuvre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de vivre autrement dans ce monde, ce qui serait presque trivial. Il s'agit véritablement de participer à la création d'un autre monde. Et je crois que c'est ça le niveau le plus profond et le plus subtil du multivers. Ce ne sont pas les mondes multiples de l'astrophysique ni de la science-fiction. C'est de prendre conscience de notre capacité à créer des mondes à travers des systèmes symboliques qui relève d'une utilisation judicieuse de ce matériau mondain, pourrait-on dire, qui est à notre disposition. Pour le dire simplement, on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc le critère de vérité existe, évidemment, mais pour autant, nous jouissons quand même d'une liberté qui est presque démiurgique, finalement, de notre invention d'univers. Voilà, c'était Aurélien Barraud, astrophysicien et philosophe, dans une émission que nous consacrions ici même au multivers. Votre réaction à ces propos d'Aurélien Barraud, va de savoir que vos travaux ont contaminé jusqu'à l'astrophysique. Je sais. Oui, c'est contaminé, c'est peut-être un mot un peu péjoratif, en tout cas. Non, mais disons. Je crois que je ne connais pas personnellement, et je l'ai lu, Aurélien Barraud, et je suis heureux de voir que, au fond, l'astrophysique, c'est aussi un monde profondément étonnant que celui que je peux décrire chez les Achuar. Et donc, il est merveilleux pour moi de voir que des physiciens, en l'occurrence, peuvent s'intéresser au monde autrement que comme un ensemble d'objets galiléens, disons. Et c'est, je pense, le grand mérite d'Aurélien Barraud. Un mot pour parler de cet effort de reconceptualisation donc que vous appelez. Vous parlez notamment de concevoir des collectifs dans lesquels les non-humains ne seraient plus exclus. Comment faire pour changer de paradigme? Comment faire pour se substituer à cette pensée naturaliste qui a dominé, qui s'est imposé à travers la planète, Philippe Descola? Je crois que Aurélien Barraud l'a dit tout à l'heure, et Pessoa, que vous citiez en début d'émission, le disait aussi, c'est de se rendre plus attentif à l'ensemble des connexions, des liens que nous tissons et que nous entretenons à tout moment avec une myriade d'autres êtres qui ne sont pas nécessairement des humains. Ça, au fond, c'est une éducation d'attention qui devrait être possible de mettre en œuvre à l'école. Les leçons de choses ont disparu. Et je pense qu'elles étaient peut-être, ou qu'elles pourraient être en tout cas, l'un des vecteurs de cette transformation qui je pense, suppose une transformation personnelle. Mais il y a aussi la transformation conceptuelle dont on parlait il y a un moment, c'est-à-dire, au fond, la nécessité de produire des concepts qui permettent de rendre compte de la plupart des choses qui nous sont familières autrement que de la façon dont nous le faisons actuellement. J'ai essayé de le faire dans mon cours au Collège de France depuis plusieurs années en prenant systématiquement des domaines différents, celui des images, depuis quelques années celui de ce qu'on appelle l'organisation sociale, les formes d'organisation sociale, pour essayer de montrer en quoi la naturaliste, disons, est tout à fait singulière par rapport à d'autres conceptions. Et en essayant même de dissiper les préjugés internes à la discipline, lorsque nous parlons d'un clan, d'abord c'est un emprunt aux Écossais, en général les anthropologues disent c'est un groupe de filiation, c'est-à-dire c'est un groupe d'humains qui sont descendus d'un ancêtre commun. Mais lorsque vous regardez en détail ce qu'il y a dans un clan, il y a toujours beaucoup plus que des humains. Il y a des divinités locales, il y a des esprits, il y a des territoires, il y a des troupeaux, il y a des champs, il y a des agents pathogènes, il y a des prérogatives et des privilèges rituels, c'est-à-dire c'est tout un ensemble, au fond, que nous avons sectionné, que nous avons diminué de façon à le faire correspondre, quand je dis nous les anthropologues, au XIXe siècle, à la conception que nous étions progressivement en train de forger de la société comme un collectif exclusivement composé d'humains. Pour finir, pour conclure cette émission, Philippe Descollets, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui souhaitait vous poser une question. Bonjour Philippe, je suis un grand admirateur de votre travail et je l'ai toujours été. Vous avez toujours été une source d'inspiration. Aujourd'hui, notre planète est confrontée à une crise écologique créée par l'homme. Ça a poussé une partie d'entre nous à s'interroger sur le fait que l'anthropologie est seulement centrée sur l'humain et la pensée humaine. Et ma question pour vous est la suivante. Puisque votre approche repose essentiellement sur une série d'hypothèses émises par l'homme à l'encontre du monde, comment est-ce que vous utilisez cela pour dire quelque chose du genre de relation que nous devrions avoir avec un monde au-delà des humains ? Philippe Descollets, vous avez reconnu ? Oui, Eduardo Cohn, qui est un ami, un collègue de longue date, qui a travaillé dans une société qui n'est pas très différente de celle où André Alous a travaillé en Équateur. Ce sont des gens qui parlent quichua, mais qui vivent en Amazonie, dans les basses terres. Eduardo Cohn a publié un livre il y a quelques années qui a été traduit en français l'année dernière, « Comment pensent les forêts ?» que j'ai eu le plaisir de préfacer parce qu'il me paraît très important en ce sens que il met en avant le fait qu'il est nécessaire d'étendre les systèmes sémantiques, disons la signification, la communication, le développement des signes au moyen desquels nous échangeons des contenus de pensée au-delà des humains. Et pour répondre à cette question, et donc, alors, on arrive au bout de l'émission. Alors justement, il me semble qu'une façon de le faire, c'est de s'intéresser, comme le suggérait d'ailleurs aussi André Alous, à la façon dont les plantes et les animaux communiquent, tout simplement. C'est-à-dire faire une alliance entre l'anthropologie, l'écologie, la botanique, l'éthologie, toutes ces disciplines qui, pour moi, sont des sciences de la relation, de façon à rendre plus complexe notre appréhension des formes de communication qui existent entre les différentes espèces. Eh bien, on en reparlera très rapidement dans la méthode scientifique, bientôt à l'occasion d'un forum en direct de la Sorbonne où nous allons parler justement de la communication végétale, qui est un domaine de la botanique qui intéresse aujourd'hui de près de nombreux chercheurs. Merci beaucoup, Philippe Descollets, d'avoir été avec nous pour cette première émission de l'année. Vous êtes un peu notre nouveau parrain maintenant. Vous prenez le relais d'Aurélien Barraud. Nous en sommes ravis. On va mettre bien sûr les références du livre d'Eduardo Cohn, Comment penser les forêts vers une anthropologie au-delà de l'humain, aux éditions Zone Sensible, sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr, ainsi que d'autres éléments de votre bibliographie. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique aujourd'hui Olivier Dupré, et puis surtout un très bon début d'année à vous tous à l'écoute de France Culture.